Naleli posomi baleo, namoni yote oho, namoni yote oho, nazwiki zungu zungu. Oh mama, mote metoni na makanisi. Ngai naleli lelo bolingoe, namoni yote oho, susi elo bakate, e baby singa motema, cheri fifi. Naleli posomi baleo, namoni yote oho, namoni yote oho, nazwiki zungu zungu. Oh mama, mote metoni na makanisi. Ngai naleli lelo bolingoe, namoni yote oho, susi elo bakate, e baby singa motema, cheri fifi. Naleli posomi baleo, namoni yote oho, namoni yote oho, nazwiki zungu zungu. Oh mama, mote metoni na makanisi. Ngai naleli lelo bolingoe, namoni yote oho, susi elo bakate, e baby singa motema, cheri fifi. Souvenir la tique lio et n'a pas qu'à te commis trop tard et oh moi n'a pas pinanga oh mama oh mama moi n'a pas pinanga oh mama oh n'a dit le bon qu'on a l'été ma yé yé yé n'a qu'à qui ma boko loco la démonte pas sa paix n'a soukoli ma boko pense pilote oh mama oh. Atubeli masomo ngana webo Boni ngana komi malade o Boni ngana komi de ko belela yo Yanga foto ko basola te o o Ezali souvenir na tike lio e Nakoka te komi trotare o Okangi monte marokola ne monte ba ye ye Olandi ongo kite oyo kisonyo oh oh Nalingi sheri nalingi sheri ye ye ye Naleli sheri naleli sheri ye ye ye ye Boni ngona komi malade oh Boni ngona komi de ko belena yo Yanga foto ko pasola te oh oh Ezali souvenir la trike lio eh Tocate comme il trottare oh Mama, wapi petit chéri oh mama oh Mama, wapi petit chéri oh mama oh Nazi malade na baby mote ma ozabe oh Naleli chéri et naleli petit chéri nanga Seli nanga oh mwana popi oh bobo Nawe nawe oh nga nawe oh mama Boni ngona komi malade oh Boni ngona komi de ko belela yo Yanga foto ko pasola te oh oh Ezali souvenir la tike lio eh Nako kate komi trotare oh Nabo mi foto na motema ye ye ye Elili na yo pongite mama ye Nazwiki zungu zungu naleli yo oh oh oh Nazwiki zungu zungu naleli yo oh oh oh Boni ngona komi malade oh Boni ngona komi de ko belela yo Yanga foto ko pasola te oh oh Ezali souvenir na tike lio eh Nako kate komi trotare oh Popi nanga o mama o oh. pina ga o mama o na ti lo boko na li tama ye ye ye na ka gi ma boko lo ko la le monte panza pe na su ko li ma boko pense pilate o mama o na tu beli ma so monga na we o cheri o bolingo na komi mana te o bolingo na komi de ko pele la yo foto ko paso la te o o ezali souvenir la tikeli o e na ko ka te ko mi trotare o Oh, oh, oh. Nalingi chéri, nalingi chéri, yeah, yeah, yeah. Nalingi chéri, nalingi chéri, yeah, yeah, yeah. Mi trotareo.